France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà de retour en direct. C'est la panique au Mangin Palace, épisode 145. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 11 janvier 2009, 11h06. Bonjour à toi, l'ami! Cette semaine, avant tout, dans Panique au Mangin Palace, tu es fichtrement inquiet des affrontements en Palestine malgré l'intervention de Pollux et Zébulon. Le cessez-le-feu existait, nous l'avions signé avec les Israéliens et les Palestiniens grâce à Nicolas Sarkozy. Il est où ce cessez-le-feu alors? C'est là que ça devient sublime. Nicolas Sarkozy et moi-même sortons du palais de Tzipi Livni. Nicolas brandit le cessez-le-feu dans sa main droite pour que le monde entier le voie. Et à ce moment-là, un gorille surgit de nulle part, lui pique le papier, le mange et s'enfuit dans la forêt. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il, voici donc la liturgie de notre joyeux panorama, modeste mais déjanté. Eh bien, comme d'habitude, nous commencerons par notre petite messe laïque et freudienne durant laquelle nous essaierons aujourd'hui de décrypter l'inconscient des vœux que nous ont adressés pour cette nouvelle année nos leaders politiques. Ensuite, nous découvrirons, après les fastueuses agapes de la fin de l'année, quelles sont les bonnes résolutions de notre gouvernement pour 2009. Et puis, depuis lundi dernier, ça y est, c'est fait, désormais après 20h, la publicité a disparu des écrans de France Télévisions. Eh bien, figure-toi qu'Alina, nos joyeux fantômes radiophoniques se sont exceptionnellement installés devant leur poste de télé. Mais ils se sont crêpés le chignon et bien sûr, nous te dévoilerons leur conversation. Dans la foulée, direction Grosboul-les-Bains, où depuis mercredi, comme partout en France, c'est la folie des soldes. Et nous te raconterons, entre cabines d'essayage et consommation frénétique, comment Monique et Jean-Claude ont su tirer profit des ristournes mirifiques. Et puis, après un an sans cigarette dans les lieux publics, notre facétieux reporter est allé faire le point avec Robert Molimard, tabacologue émérite, sur la réalité du tabagisme passif. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son, dehors il fait moins 5, mais restons givrés. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you've got to. Love, love me, love, love me, love, love. Tease for fun. Well, you ain't gonna tease no other. Gonna Love Today. C'est ce que réclamait Mika en 2007 sur son album intitulé Life in Cartoon Motion. Love Today, un titre avec lequel il a d'ailleurs fait un carton. Alors que cet hiver, pour les SDF, ce sont les cartons qui font sensation. Mes chers compatriotes, c'est une année d'action. D'action qui table, qui tend. Plus la France sera dynamique, mieux elle sera été. Du fond du cul, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une très bonne et très heureuse année. Alors, il est à présent 11h12 et pour te préserver du froid, la panique t'offre une petite astuce imparable, te vautrer confortablement afin que nous entamions ensemble les modestes aventures de ce 145e épisode du Mangin Palace où nous allons cuisiner à notre sauce les actualités du moment. Et comme le veut la tradition, débutons par notre petite session freudienne en compagnie de monsieur Divan Beaujelet, le fieffé sacripant de nos coursives, avec qui nous avons, une fois de plus ces derniers jours, essayé de démasquer l'inconscient du discours politico-médiatique. Ainsi, découvrons ce matin la belle fiesta votive dédiée à la nouvelle année par tous nos politiques. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Voisin. Génial, content de vous voir. Maintenant, la teuf peut commencer. Messieurs, en plus, vous êtes pile à l'heure pour le cocktail. D'ailleurs, veuillez m'excuser, je dois accueillir notre président. Dans quelques secondes, puisqu'il est tout juste 8h maintenant, les tops de France Inter et le président de la République. Action ! Mes chers compatriotes, l'année 2008 s'achève. Elle a été rude. Ça me file des drôles de sensations dans le ventre. C'est la raison pour laquelle je veux penser d'abord à ceux que la vie a durement éprouvés. Vous avez peut-être pris froid au ventre. C'est ça. La crise économique et financière mondiale est venue ajouter son lot de peines et de souffrances. Et on rentre chez nous comme des clodos, avec la chiasse en prime. Face à cette crise, je mesure la responsabilité qui est la mienne. Cette responsabilité, je l'assumerai. Bon, ben on est foutus, laissez tomber. Nous allons sortir renforcés de cette crise. Du fond du cœur, je présente à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour 2009. Bon, on s'est bien amusé. Musique, merde, je veux de la musique qui fait monter. Putain, t'es foutu. Hein. Où est-ce que sont les gonzesses de l'amour? Parce que jusqu'à présent, j'ai vu que des gamines de 12 ans avec des nichons de sucre-mou. Soyez une petite qui réplique à l'appareil. Ce soir, je voudrais m'adresser à chacun d'entre vous. Je l'ai chopé sur le net. Mais avec une pensée particulière pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui souffrent. Cette meuf, c'est une merveille. On s'est filé nos tels et on s'est même envoyé des photos. Je voudrais à chacun vous souhaiter une très bonne année 2009. Elle s'en fout de l'apparence. Son truc, c'est les films genre hyper romantiques. Je voudrais aussi vous dire que les socialistes travaillent pour proposer à la France et à l'Europe un autre modèle de société qui soit moins dur. S'il y avait, je ne sais pas, un moyen de faire tomber cette tension qui vous épuise. Les socialistes seront auprès de vous, auprès de chacun d'entre vous. Un moyen de vous aider à retrouver la paix. Excusez-moi, je me suis trompé de chambre. Putain, mais t'es malade ou quoi? T'as vu l'heure? C'est un cas d'urgence, mon frère. J'ai le boombastique qui a des problèmes de démarrage. Quoi? L'année 2008 se termine lourdement dans une crise profonde. Mais bon, je vais te chercher du carburant, 2 secondes. Je veux que pour l'année 2009, il y ait une autre répartition des richesses. T'as la thune ? Mais de la crise peut sortir quelque chose de meilleur. Si on met de la fraternité partout, eh bien je crois qu'une autre France est possible. Si t'as besoin de plus, tu repasses me voir. Bonjour. Bonjour mon cœur, je bosse pour Greenpeace. Voilà, nous sommes maintenant arrivés à la fin de l'année. Je vous souhaite une bonne année 2009 qui sera une année difficile, difficile pour tous. Je suis venu te parler des baleines, des phoques, enfin toutes ces conneries. Nous avons un gouvernement et un président qui ont préféré, dès leur arrivée au pouvoir, faire des cadeaux aux plus riches, qui ne le demandaient pas d'ailleurs. T'as pas un truc à boire? Il faut que nous trouvions une alternative au sarkozisme, à cette grande entreprise de contre-réforme et de néoconservatisme. Si débattre ces petites sauteries, t'es flippant, mec. C'est un devoir pour l'ensemble de la classe politique, pour les Verts en particulier. Qu'on en trouve plus débranché. Oui, ça va, ça va. Tire-toi et me fatigue pas. Et pas de boucan dehors, mes voisins dorment, mais ils vont bosser demain aussi. Ils vont bosser demain. C'est encore le mot d'ordre cette année, parce que maintenant, on l'a tous très bien compris, il va falloir travailler plus pour rembourser les pertes pharaoniques des banquiers inconscients qui ont réussi à ébranler le monde et à fragiliser encore plus les plus fragiles. D'ailleurs, par solidarité avec les miséreux, notre Premier ministre François Fillon a même officiellement demandé à tous les ministres de dépenser moins pour les traditionnelles cérémonies de vœux. Et oui, l'ordre vient d'en haut, il faut limiter les petits fours et les fontaines de champagne. Bon, Xavier Bertrand, qui va quitter le ministère du Travail dans quelques jours, il n'en a vraiment rien à battre. Je voudrais un melon au Porto, après je prendrai un œuf en gelée, un maquereau aux aromates, un foie gras en brioche, un écrevisse à la nage. À la place du foie gras, monsieur ? Non, en plus. Non, c'est pas tout. Non, non. Et puis alors, je voudrais aussi un rouge et grillé. Et après, je prends un poulet de Bresse à la française. Voilà. Et une tête de veau. Oh, non, une pièce de charolais plutôt. Une pièce de charolais d'abord et puis une tête de veau après. Voilà. Et dites-moi, la choucroute, elle est comment, la choucroute ? Très, très bien, monsieur, oui. Alors, vous m'en donnez un petit peu, c'est juste pour goûter. Hein ? Bien, monsieur. Merci. Si vous les perdez vite quand même, je suis assez pressé. Entendu, monsieur. Eh oui. Xavier Bertrand a été assez pressé car il avait rendez-vous l'après-midi même à Matignon chez François Fillon dans le but très respectable de présenter ses vœux au Premier ministre. Hélas, pour Xavier Bertrand, les implications de son repas du midi l'ont obligé à donner quelques explications à François Fillon. Ce midi, j'ai mangé une choucroute. Une choucroute aux fruits de mer avec les collègues du bureau. Alors, au début, en arrivant à la cantine, on s'est dit « c'est super », ça dégageait une odeur, oh, on était content. On s'est dit « ça a l'air excellent », et c'était très bon d'ailleurs, il n'y a rien à dire, sauf que c'était beaucoup trop lourd. Alors vous l'imaginez, j'ai eu une après-midi pas très facile, avec l'envie de prendre une douche, envie de mâcher un mentos. Certains m'ont dit « aère ton bureau ». Parce que c'est vrai que j'ai de la moquette au mur et que la moquette a tendance à capter les odeurs et à les retenir dans la pièce. Alors c'est le principal défaut de la moquette, c'est connu. Et puis ensuite, très vite, m'est tombé dessus, vers 16h, 16h30, le traditionnel coup de barre. Pour bien cerner ce phénomène, je vous ai fait un petit schéma. Et on voit bien qu'ici j'ai faim, je mange énormément, je mange trop, j'ai plus faim, je regrette et je m'effondre. Et d'ailleurs, Xavier Bertrand repousse, s'effondre devant François Fillon, qui prend alors conscience de la situation dramatique qui s'annonce si on continue comme ça. Et en effet, lors du premier Conseil des ministres 2009, chacun a cherché à dissimuler au mieux ses petits bourrelets, tout en constatant chez les collègues une inflation de mauvaise graisse. Et parmi tous les ministres, il n'y en a qu'une qui s'en est particulièrement bien tirée, c'est Rachida Dati, qui fut d'ailleurs félicitée par Christine Lagarde. C'est pas possible, vous avez fait un régime. Vous étiez beaucoup plus boursouflé, mais ça vous va beaucoup mieux. Mais c'est encore de là que vous devriez perdre. Vous avez encore un bon petit pneu de vélo. Si vous avez envie d'une petite liposuction, le virtuose, c'est Robert Salantin. Il ne vous laisse que la peau sur les os, et encore. Une liposuction ? Mais pourquoi faire ? Hurle Roselyne Bachelot qui, elle, sait très bien comment faire pour maigrir. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin. Le riz au lait, le riz de veau, le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le vouvray, le chevret, chambertin. Et faut se priver de faisan, de parmesan, de ragoût, de goulash et de frites. Faut arrêter les pastèques, le rumsteak, le vin cuit, les grands crus et les cuites. Les cornichons de Dijon, le bigorneau, le concarneau et le mou du matou. Faut supprimer la pistache, le pistou, les poutous, il faut supprimer tout. Et le miroton, le mouton, les goutons, la choucroute et les touffes chrétiens. La paella, la pizza, les petits pois, l'avocat, l'avocat, les pots de vin. La boule au pont, les tripots, les impôts, le petit rôle, le pot au feu, les potins. Et le radada, le dodo, les babas, les bonbons, les citrons, les pépins. Ah, que c'est pour être bien dans sa peau, réveillon, cotillon, sapentin. Eh oui, il va falloir faire des efforts. Manger moins pour maigrir plus, une pratique que le gouvernement a d'ailleurs déjà appliquée à l'ensemble de la France en faisant diminuer le pouvoir d'achat. Mais ce que ne savaient pas les membres du gouvernement venus assister au premier conseil des ministres de l'année, c'est que Nicolas Sarkozy a demandé à Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, de remplacer le conseil des ministres par quelques conseils pour les ministres. Nous allons vous présenter, mesdames et messieurs, un petit cours de culture physique. Bravo, bravo, excellente idée. Très bien. Allez, asseyez-vous par terre. Les jambes étendues. Passez la jambe droite autour de votre taille. Là. Passez maintenant la jambe gauche sous votre bras droit. Là. Ramenez la jambe droite par derrière la tête. Et glissez votre tête sous votre bras gauche. Là. C'est ça. Ça. Et maintenant, tirez violemment sur le bras droit et croisez-vous les genoux dans le dos. Là. C'est ça. Il est noué. Bah, mais dénouez-le, voyons. Allez, tirez la jambe, appuyez sur le genou. Le voilà dénoué. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on peut appeler un heureux dénouement. Ah, quel heureux dénouement. Les ministres, sous les conseils de Claude Guéant, Toutou Youtou, pratiquent donc des mouvements d'assouplissement en vue d'une rapide perte de poids. Ce qui n'est pas étonnant de la part d'un gouvernement spécialiste des cures d'amaigrissement, par exemple dans l'éducation nationale ou dans les hôpitaux. Alors que les ministres, déjà fourbus, essaient de reprendre leur souffle, le président de la République lui-même entre soudain dans la salle du conseil pour expliquer pourquoi il a exigé cette séance de fitness. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous des gagneurs. Vous, vous tous comme moi. Moi comme vous tous. Entre nous, qu'est-ce qui nous fait courir ? C'est l'argent. Il n'y a que l'argent qui compte. Seul l'argent peut nous rendre vraiment heureux. Et nous sommes tous là pour faire de... L'argent. Nous sommes d'accord. Alors je vais vous confier un secret. Vous êtes tous assis sur un tas de fric. Et vous ne le savez même pas. Non, vous ne me croyez pas? Non. Bon, alors levez-vous, s'il vous plaît. Allez-y, retournez vos chaises. Attention de ne pas tout casser, s'il vous plaît. Oh. Et vous allez voir si vous pourrez prendre des crânes. Alors oui, c'est pour vous, messieurs, c'est pour vous. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Eh bien, la morale de cette histoire, c'est que dans la vie, pour gagner de l'argent, il faut se remuer le cul. Dans la vie, pour gagner de l'argent, il faut se remuer le cul, ou plus exactement, faire remuer le cul des travailleurs, voire leur mettre un coup de pied au cul quand les actionnaires exigent un petit plan social. Nicolas Sarkozy est fier de ses ministres de les voir ainsi transpirer pour essayer de perdre leurs kilos superflus. Mais notre président, toujours aussi prévoyant, s'aperçoit très vite que cette opération sera insuffisante. Et tout comme il a réussi à faire payer les petits pour les plus gros, Nicolas a pris une nouvelle décision. Pour venir en aide à mes amis nouveaux riches, qui crèvent dans leur cholestérol en plein hiver à Méribel, j'ai décidé d'ouvrir les restaurants du foie. Envoyez-moi des tonnes de verveine et des quintaux de biscottes sans sel, le bon Dieu vous les rendra. Le bon Dieu vous les rendra, peut-être. Mais alors cette séance de fitness a-t-elle été suffisante pour nos ministres? Eh bien, si l'on s'attarde sur le cas de Brice Hortefeux, par exemple, le ministre de l'Immigration, on se rend vite compte que ce n'est pas gagné. Bonjour madame la boulangère. Oh, monsieur Dark Vador, ben, ça fait plaisir de vous voir. Alors qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui? Ben, je vais prendre deux baguettes, s'il vous plaît. Oh, ben alors il prend pas son petit millefeuille et ses deux éclairs? Ben, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Ben, c'est-à-dire que là, j'ai un petit peu pris de poids, donc je préfère faire un petit peu attention. Oh, ben non, mais non! Oh, ben non! Oh, mais vous êtes parfait! Mais regardez-moi comme il est beau! Oh! Arrêtez! Là, vous me gênez, là! Arrêtez, là, vous me faites rougir! Et oui, Dark Hortefeux rougit un peu, car il sait que sa mission ministérielle, celle de tour opérateur dans des charters en allée simple, le pousse à chercher toujours plus de candidats pour un retour forcé au pays. Il faudrait un gros paquet de beurre, car j'aime bien le beurre. Et je veux du beurre, beurre, beurre. J'aime bien du beurre, et je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, et je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, et je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, car j'ai un faux dire que mes parents et des crèmes de pilotes, crèmes de pilotes des seins. Papa, maman, maman, papa, maman, maman. Je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, beurre, beurre. Papa, maman. Je veux du bon beurre pour faire ma petite cuisine. Et de l'argent, quelle qu'en soit l'odeur, c'est ce que s'auto-souhaite pour cette nouvelle année notre gouvernement qui n'a qu'une peur, être miné en 2009 par des grèves qui tomberaient comme une averse de grêle. Quand j'ai ma mine des jours de grêle, quand la déprime me fait de l'œil, quand je m'abîme sur des poèmes où rien ne rime sur mes feuilles, je les roule en joint d'oxygène, je me pique de cette amoureuse, qui est la seule héroïne que j'aime, ma belle poudre. quand à longueur de journée, les médias de l'info me crient, l'Iroquois se refait plumer par les rois des poules en batterie. Je me soulève aux des fontaines, m'extasie d'une heure silencieuse, dans la quiétude sereine, ma pile taille intraveineuse, et je smoke another air. Je smoke another air. Quand le désespoir m'en dentelle, me fait bien voir de son trottoir, que les défaitistes m'appellent en faisant teinter leurs dollars. Je me donne au vent dans la plaine, tatoue ma peau à l'encre bleue, du soleil, des pluies diluviennes, je suis ce junkie contagieux. Quand je smoke another air, je smoke another air, je smoke another air. Smoke another air. C'est ce que nous propose K, autrement dit, de fumer un autre air. Mais cette année, ce sera aussi le cas de certains magistrats qui vont se faire enfumer sur un autre air. Il est donc temps que le juge d'instruction cède la place à un juge de l'instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes, mais ne les dirigera plus. Tu me prends vraiment pour une truffe, toi. Alors maintenant, après avoir découvert les bonnes résolutions de notre gouvernement pour cette nouvelle année, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent à 11h28, sa singulière séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, tu n'ignores point que depuis lundi dernier, Jésus lui-même a chassé les marchands du temple qui squattaient le parvis de France Télévisions. Oui, désormais après 20h, il n'y a plus de publicité sur les chaînes publiques. Et en ce début janvier, France Télévisions pleure devant la galette des rois dont seuls les autres s'empiffrent désormais. Alors bien sûr, tu imagines sans peine que la mémoire de l'audiovisuel, autrement dit les joyeux fantômes de l'INA, se sont passionnés pour cet épineux débat. C'est ainsi que lundi dernier, ils se sont installés devant la télé et la polémique fut relancée. Alors écoutons avec attention ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tend bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, le projet de loi sur l'audiovisuel public a provoqué un soudain regain de tension. Dès lundi soir, les altercations se sont multipliées entre ceux qui voulaient regarder l'absence de pub sur France 2 et ceux qui ne voulaient pas rater les nouvelles publicités de TF1. À 19h58, dans une ambiance électrique, le journal de France 2 a pourtant commencé. L'introduction de la publicité à l'ORTF, faut-il le dire, est d'actualité. Les ressources provenant de cette publicité télévisée serviront en majeure partie à l'amélioration des équipements, c'est-à-dire à l'amélioration de la deuxième chaîne couleur, à l'augmentation des programmes, entre autres choses. Enfin, il n'y aura pas d'interruption des programmes, mais de véritables entr'actes publicitaires, comme au cinéma. Et pendant ce temps, sur TF1... Attention, si vous nettoyez votre vaisselle avec un patin à glace, voilà ce qui risque d'arriver. Ça casse toute la vaisselle. Par contre, si vous nettoyez votre vaisselle avec une éponge, vous risquez de ne rien dégraisser du tout vu que vous avez oublié de mettre du produit vaisselle. À mon avis, vous feriez mieux de jeter la vaisselle cassée car entre nous, ça ne sert à rien de laver ce qu'on va jeter ensuite. Attendez, mais j'y pense, vous n'avez même pas de lave-vaisselle ? Qu'est-ce que vous me voulez au juste ? Vous avez quelque chose à me vendre ou quoi ? Non, pas spécialement, mais... Bah alors ? Hein ? Consommateurs, méfiez-vous des pubs qui n'ont rien à vous vendre. Profitant de la paranoïa ambiante, Yves Colombo, pro-pub notoire, a essayé de faire peur à tout le monde. Supposons que disparaissent de notre pays toutes les expressions de publicité, y compris enseigne, étalage, rayonnage même chez des commerçants. N'étant plus tenté, l'acheteur verra s'émousser ses désirs et aussi ses besoins. L'homme paresseux par nature ralentira sa cadence et ses temps de travail, et progressivement, il faudra quelques générations sans doute, notre peuple aujourd'hui actif et à standing de vie relativement élevé, retournera à une existence matériellement et intellectuellement misérable. Exaspéré par ce scénario catastrophe, Pierre Dac a riposté. Vacances. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la campagne, si vous n'aimez pas la montagne, allez vous faire foutre. Vous venez d'entendre notre écran réclame. Puis, tout le monde s'est calmé pour regarder ensemble un reportage édifiant sur l'économie publicitaire en banlieue. Vous avez beaucoup de sociétés de communication à Neuilly. Beaucoup. Je préfère les sociétés de communication aux institutions financières et on se bat pour les garder. On n'a pas les plus petites, Havas, Bélier, le groupe Philippe Aki, Quotidien de Paris, CBS, Gaumont, UGC. Pourquoi l'ère de Neuilly inspire la création publicitaire? Oui, pas seulement l'ère, certainement. Et puis finalement, on a éteint la télé pour aller manger. Champignons de Paris, petits champignons, oui, nous te mangerons en croquettes, ou bien avec tes paupiettes, nous te mangerons à la crème, ou à la sauce béchamel, avec un bœuf trocognoff, ou une omelette en lof. Champignons de Paris. La publicité dans ces conditions est devenue une profession, un métier, je dirais plus une technique, je dirais plus une science. Fraises ou en boîte, en accompagnement ou en légumes, les champignons de Paris sont rois. Les champignons, mille et une recettes toute saison. C'est bon ça. Merci beaucoup Flora Bernard pour cette nouvelle exploration temporelle et poético-burlesque au cœur de l'inattendu. Nous évoquions à l'instant la publicité et donc la consommation. Eh bien justement, découvrons dès maintenant les folles braderies de nos actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h34, rejoignons immédiatement notre fantasque village fleuri où, comme partout en France depuis lundi, de jour comme de nuit, les trottoirs et les prairies ne dégivrent plus. Autrement dit, on se pèle les miches. Et franchement, ce froid polaire n'arrange rien au retour de l'anxiété devant l'incertitude économique. Résultat, en ce début d'hiver, Monique n'est pas très en forme. Et d'ailleurs, mercredi matin, au réveil, elle était un peu déprimée. Cela dit, au petit déjeuner, Jean-Claude avait tout de même une bonne nouvelle pour l'ensemble de la maisonnée. Dans ce tableau un peu sombre de prix en hausse, il y a quand même à cette époque de l'année un oasis de repos pour le porte-monnaie. Janvier, c'est traditionnellement le mois des soldes. D'ailleurs, si vous ouvrez vos journaux habituels, vous verrez que beaucoup de choses sont vendues actuellement avec une réduction de 10, 20, 30% ou plus même, et cela dans de nombreux domaines, notamment dans l'habillement. Oui, Jean-Claude parfois imite Yves Mourouzi dans la cuisine. Cela dit, évidemment que Monique n'a pas oublié que les soldes débutent ce matin. Mais avec quel argent, grand couillon ? Lança-t-elle à Jean-Claude. Primo, ils n'ont plus un radis de côté, c'est la crise, et en plus, avec ce froid, va falloir se réapprovisionner en fuel avant le printemps. Oui, mais bon, Jean-Claude voit les choses différemment. Les pessimistes nous assurent que nous vivons sur un volcan, le commerce étant des confitures, y a plus de crédit, y a plus d'argent. Non mais ils s'en foutent ma parole de tenir ces propos insensés. Vive la joie et la faribole, on n'a jamais tant rigolé. À tout bout de champ, à chaque coin de rue, sont des flanflans et des flaflas. On n'a jamais vu tant de cohues dès que l'on essaie de faire un pas. Et vive les foires commerciales, on n'a pas le rang mais on s'en fout. Sonne éclairons, teintes et cymbales, amusons-nous, faisons les fous. Amusons-nous, faisons les fous, voilà le remède de Jean-Claude face à la morosité ambiante. Et il affirme à Monique qu'ils iront tout de même faire les soldes aujourd'hui, rien à cirer. D'autant qu'un de ses amis, René Pinard, dit Popeye, qui tient une chouette boutique de prêt-à-porter à Grosboule-les-Bains, lui a promis qu'il lui ferait un rabais supplémentaire de 10% sur tous ses achats. Eh, il ne s'agit donc pas de dépenser de la thune, mais d'en gagner, bordel. Ainsi, Dès 8h30 mercredi matin, Monique et Jean-Claude font donc la queue devant la boutique de René Pinard. Il y a foule et à 9h pétante, ça y est, les soldes sont lancés, le magasin ouvre ses portes. Après s'être fait piétiner par un troupeau de dindes en furie, Monique et Jean-Claude finissent enfin par rentrer dans la boutique de René Pinard pour profiter de ses fichus soldes. Et très vite, Jean-Claude tombe sur son vieux copain qui, soi-disant, tient le magasin. Nous, on est arrivés les mains dans les poches, alors tu nous habilles de la tête aux pieds. Bon, on va commencer par les anoraks. Je vous présente ma femme Martine, son cousin. Bonjour Martine. Bon, madame. Je t'expliquerai. Dis donc, c'est immense ici, hein. C'est à toi tout ça? C'est-à-dire que c'est à ma femme, enfin c'est comme si c'était à moi, hein. Je t'expliquerai. Bon, c'est tout simple, tu nous donnes ce qu'il y a de mieux. Oui. Hein. Pas les dîners. Eh ben, mes enfants, je crois que tout est là, hein. Oui. Dis donc, papa, tu nous fais une ristourne, là, hein? Un petit 10%? Pas de problème. Je vais quand même leur demander, mais enfin... Il me semble que ce serait commerçant avec ce qu'on a pris. C'est la moindre des choses. Non! Bon, ça va pas être possible, hein. À cause de... Enfin, ça les arrange pas, quoi. À cause de l'argent, je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris. Te casse pas, on a compris, va. Oui, enfin, sauf que pour Monique, ils viennent d'acheter pour 650 euros de fringues. Certes soldées, mais avec la ristourne supplémentaire de 10% promise à Jean-Claude, on passerait sous la barre des 500 euros et psychologiquement, c'est mieux. Mais Jean-Claude refuse d'insister. Seulement voilà, au moment même de quitter la boutique, René Pinard, dit Popeye, les rattrape et propose un deal à Jean-Claude. Oui, vu l'affluence dans le magasin aujourd'hui, il leur manque une personne pour surveiller les cabines d'essayage. Donc, s'il est OK, Jean-Claude prend le poste pour la journée et en échange, ce n'est pas 10, mais 20% de ristournes supplémentaires qu'il accordera à Monique et Jean-Claude sur leurs achats. Marché conclu, et pendant que Jean-Claude devient le vigile d'un jour, Monique, elle, poursuit sa tournée des soldes. Bon, dans un premier temps, rien à signaler de particulier pour Jean-Claude le vigile. Quand, soudain, il aperçoit une femme enfilée sous son pull deux chemisiers soldés, certes, mais qu'elle ne compte pas payer du tout. Immédiatement, Jean-Claude intervient. Si vous avez froid, vous pouvez peut-être rajouter celui-là, non? Au papier, s'il vous plaît. Papier. Alors, Christine Rossignol. On se connaît. Ah bon? Tu te souviens de moi quand même, non? Bien sûr, des mecs comme toi, ça s'oublie pas comme ça. C'est vrai qu'on est bien accrochés tous les deux. Tu devais pas me rappeler sans faute, il y a à peu près 7 ans. Sans faute? Oui. Oui, c'est possible. Non, c'est sûr. Tu vis seule, t'es mariée? Je suis obligée de répondre à tes questions qui m'emmerdent. Ouais, prends pas comme ça, je t'ai vu, tu sais que t'as de la chance d'être tombée quoi, sur de moi. Quoi, de la chance? Oui. Parce que tu penses que j'ai de la chance d'être tombée sur un type comme toi il y a 7 ans? Non, écoute, Caroline. Moi, c'est Christine. Oui, Christine. En fait, ton bouquin de ta carrière, c'en est où alors? Non, tu sais que pour moi, ça n'a jamais été facile, tu sais que je suis un orphelin. C'était un orphelin, t'as pas d'attache. Je connais la chanson, oui. Tiens, je te les rends, tes trucs. Non, mais s'il vous plaît, madame. Des minables comme toi qui se prennent des philosophes et qui finissent vigiles dans un supermarché. Mais enfin, madame. Eh ben, je veux rien leur devoir. Non, la sortie, c'est par là, Corinne. Christine. Ah si, je te dois quelque chose. C'est quand même grâce à toi si aujourd'hui je vis toute seule. Imagine-toi que c'est très bien comme ça. Oh, salope. Sacrément humilié, Jean-Claude se félicite avant tout, précisément à ce moment-là, de l'absence de Monique dans la boutique. C'est alors qu'arrive une nouvelle cliente à proximité des cabines d'essayage, une jeune femme charmante aux proportions divines. Subjugué, Jean-Claude décide sur le champ de venir la conseiller au milieu de ces montagnes de fringues soldées. Oh, la jolie cliente! Oh, le joli métier! Dieu, que c'est émouvant! Nous allons prendre vos mesures. Inscrivez, mademoiselle. Carrure 42. Pardon. Tour de poitrine 90. C'est merveilleux. Tour de taille 52. Telles étaient vos mesures, déesse du mont Ida, exactement le galbe de Lolo Brigida. C'est vrai? C'est vrai. Dans mes rêves, elle s'habille chez moi. Tenez. Merci, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous sculpte. Mais je voulais quelque chose de tout fait. C'est bien pour ça. Je fais tout, madame, tout. Séduite par ce curieux vendeur, la jeune femme accepte que Jean-Claude lui fasse une sélection de quelques robes et tailleurs en solde. puis il l'a conduite en direction des cabines d'essayage. Sacré lascar. Mais il est déjà 19h30 et c'est à ce moment-là que Monique revient à la boutique de René Pinard. Pas folle la guêpe, elle repère immédiatement le petit manège à la con du Jean-Claude, à qui elle demande sur le champ ce qu'il est en train de faire là. Je vends des robes, des pulls et des manteaux, des bas, des gants, des jupes, des pantalons, des sacs, des ceinturons, des slips et des manchons de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Je vends des robes de toutes les qualités, en laine, en soie, en fibre de coton, en fil ou en nylon, avec toutes sortes de noms de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Ouais. Jean-Claude a alors tenté d'expliquer à Monique que devant l'affluence des clientes pour les soldes, il a proposé de filer également un coup de main aux vendeurs. Et qu'il aurait le droit, non pas à 20%, mais à 30% sur leurs achats de la matinée. Tu parles. Jean-Claude en fut sur toute sa poche pour les 10% supplémentaires, bien sûr. Fin de l'histoire. Mais au final, Monique fut ravie. Elle avait pu profiter un peu des soldes, d'autant que Jean-Claude lui avait mis de côté une superbe tunique en taffetas pour l'été prochain à moins 50%. Tunique qu'ils ont essayé ensemble dans une cabine. Et à ce propos, le collègue vigile du Jean-Claude n'est pas prêt d'oublier son passage à la boutique René Pinard. Il y a 2 ou 3 jours, j'étais au rayon femmes grandes et rondes. Et j'ai entendu des... Vous voyez le genre, des bruits. Et j'ai entendu une femme crier « Oui, ah oui !» Et lui, je l'ai entendu dire « Tu es bonne, tu ne vas pas pouvoir CHIER droit pendant un mois. » Attention, comprenez-moi bien. Ce que fait un homme avec son pénis au rayon grandes et rondes, ce n'est pas au peuple d'en juger. C'est sûr. Mais j'ai beau essayer de me raisonner, chez ce type, il y a un truc qui me met mal à l'aise. Alors maintenant, toujours en direct du Manchin Palace à 11h44, après les curieuses aventures soldées du Jean-Claude, il est l'heure de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré ce matin à la cigarette. Oui, voilà désormais un an que la France a interdit la clope dans les lieux publics et à cette occasion, nous avons beaucoup entendu ces derniers jours ici et là des témoignages et des bilans à ce propos. Eh bien, à l'heure où les fumeurs se pèlent le jonc en bas de l'immeuble de leur boulot ou sur le trottoir du resto, notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, a décidé à sa manière de s'intéresser à cet anniversaire. Il est allé rendre visite à M. Robert Molimard, tabacologue émérite. Ainsi, juste après la virgule, découvrons entre autres la réalité du tabagisme passif. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la cigarette, c'est un truc de riche? Que vous vous appeliez Job ou Crésus, si vous avez besoin d'un paquet par jour, c'est pas un impôt proportionnel. Ça va toucher beaucoup plus les plus pauvres. C'est une ponction terrible. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Mettre un peu moins de viande dans l'assiette des enfants. On les habillera un peu moins. On commencera à plus payer son électricité, son loyer. Et on se retrouve à la rue. Et le professeur Robert Molimard sait de quoi il parle. Et oui, l'ami, ce tabacologue travaille sur les méfaits des blondes et des brunes incandescentes depuis plus de 30 ans. C'est un anniversaire. Un an que dans les lieux de courtoisie, on ne peut plus fumer. Est-ce qu'on doit s'en réjouir? Ah, moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis complètement, mais d'un point de vue de mon confort. Hein, parce que je trouve très bien de ne pas vivre dans une atmosphère enfumée. Oh, Seigneur! Ah, oh, je suis vidé! Oh. Tu fumes après l'amour, toi? J'en sais rien, baby, j'ai jamais regardé. Et si on se classe sous l'angle de la tabacologie, c'est-à-dire est-ce que ça va amener les fumeurs à s'arrêter? Alors là, je crois qu'on est totalement dans le mur. Ben, par exemple, en Irlande, qui nous ont devancés dans l'interdiction générale de fumer, le ministère de la Santé irlandais vient de reconnaître que le pourcentage de fumeurs est passé de 27 à 29% depuis l'interdiction. Quand je vois cette cigarette, je me dis, mais comment j'ai fait pour me passer d'un bonheur comme ça pendant autant d'années, d'un plaisir comme ça? Je suis tellement content, ça y est, j'ai réussi à commencer. Alors mes copains, ils n'en reviennent pas, ils me demandent tous, ils me disent tous, mais comment t'as fait, toi? Comment t'as fait? Nous, ça fait des années qu'on essaie de commencer la cigarette, on n'arrive pas. Comment t'as fait? Je dis, attendez les gars, attendez, comment j'ai fait pour commencer la cigarette? Il y a un mot, la volonté, ok? Ça veut dire que vous, l'inventeur de la tabacologie, vous me dites que finalement, quand je fumais dans un bar à côté d'un non-fumeur, il n'était pas vraiment prouvé que je lui polluais les poumons. Non, c'est pas du tout prouvé. Là, on peut discuter beaucoup. On a annoncé des résultats extrêmement brillants de baisse d'infarctus. Un mois après l'instauration de l'interdit de fumer, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, c'est du mensonge. Hey, c'est combien cette cassette pour pouvoir arrêter de fumer? 46. Je la prends à 25. Non, 35. Et pour 30? 32. Ça roule. Hé, hey, dites Luc, je suis ton père. Luc, je suis ton père. Quand on reprend par exemple les données du fameux rapport international sur les risques du tabagisme passif en France, il ne retient que 127 décès pour la France par an pour le tabagisme au travail, dont seulement 6 décès attribués au tabac dans les hôtels, restaurants, cafés, discothèques. Assez, toussé, demain stop. Demain, stop, plus de clope. Bon, pourquoi pas? Mais avant tout, chacun fait ce qu'il veut, même si personne, évidemment, ne viendra dire ici ce matin que le tabac est précieux pour la santé. Mais citons une dernière fois le professeur Molimar qui dit ceci: il ne faut pas traiter les fumeurs seulement comme des malades, mais aussi comme des êtres humains à la recherche du plaisir. Eh oui! Car bien souvent, les anti-fumeurs primaires, j'ai bien dit primaires, sont des êtres un peu, comment dire, rigides. Je n'ai pas dit frigides. Si vous voulez vous détacher du problème, il faut passer par l'acceptation de ce problème. Oui, j'ai été fumeur. Oui, j'ai été dans l'erreur. Oui, j'ai été un minable. Une loque, à moins que rien. Mais je veux guérir parce que je veux m'en sortir. Libérez vos énergies positives afin de vous débarrasser de ce carcan d'autoculpabilisation qui enraye les rouages de votre chemin initiatique. Avant de travailler sur les activités sensorielles de groupe, on commence par l'encouragement blâmatoire de la semaine. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, bercé par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, et saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chat. Emmène-moi, un jour j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans le club il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois, et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois. La couleur des sons que tu bois. Le puits est tellement grand que New York avec toi, c'est ce que souhaitait en 1984 le groupe Téléphone sur son album intitulé Un autre monde. Alors qu'aujourd'hui, tous ceux qui voudraient un autre monde se voient offrir une France un peu rance, mais avec ORTF. Française, Français, je vous souhaite une bonne année. Oh, bico encore, non, mais ça va pas. Alors maintenant, à 11h53, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade? Eh bien, en ce début d'année, la presse nous apprend qu'il va être de plus en plus difficile de savoir à quel saint se vouer. Ah. Et alors, pour commencer, une dépêche de l'agence France Presse qui annonce que chez Nouda 3, le patriarche copte d'Égypte, le pape d'Alexandrie, le patriarche du siège de Saint-Marc, chez Nouda 3 donc, a interdit, parce qu'il a interdit à ses fidèles de se confesser par téléphone. Il leur a expliqué que les services secrets égyptiens pourraient écouter ces confessions. Moi, je dis non. Non, chez Nouda, non, c'est ballot ça, parce qu'une confession par téléphone, bah, c'est hyper pratique. Ça fait gagner du temps, allez hop, comme ça, tranquille, cool, je sais pas, moi, on fait la queue à la poste, bon bah vite fait, un coup de fil, on avoue ses péchés, c'est bien, c'est pratique. Le plus important, bien sûr, pour la confession copte par téléphone en Égypte, c'est évidemment qu'on copte bien, parce que si on copte pas, ça marche pas. Alors au Vatican, le président du Conseil pontifical pour les communications sociales, ça existe cette chose-là, donc l'archevêque John Foley, quand il a appris la décision des coptes, a dit qu'il fallait suivre, je cite, « parce que la confession exige la présence physique du prêtre et du pénitent ». Ah, d'un coup, hein, à distance, l'expression « aller à confesse » perd tout son sens. D'ailleurs, le Figaro.fr nous apprend que le Conseil pontifical du Vatican pour les communications sociales, bon, toujours lui donc, a autorisé Librévière. Ah, Librévière. Librévière, c'est une application qui permet de mettre un missel dans son iPhone. Ah. Oui, alors ça nous promet des messes fortes. Il paraît que Julien Dugast, il a déjà commandé ce truc-là. Il en a 12. Donc, bah, il va pouvoir faire des messes formidables, vu qu'il est d'ailleurs spécialiste de la messe. Oui. Bon, je pense que c'est un peu tard tout de même. Parce qu'à Téhéran, voilà longtemps que les religieux ont l'ail Atola. Et que sur les bords du Gorge, eux, ils ont l'ail Urveda. Donc vous voyez Philippe, hein, en ce moment la presse est très très très soucieuse de sainteté et les saints sont d'ailleurs le très gros tracas du révérend Fred Nye, le président du Parti chrétien démocrate d'Australie, qui ne veut rien de moins qu'interdire les seins nus sur la plage. Oui, c'est le quotidien The Daily Telegraph de Sydney, donc daté du 30 décembre dernier, qui nous apprenait cette nouvelle. Le curton ne veut plus voir les tétons. Alors d'accord. C'était pour la rime. Oui, uniquement pour la rime. Vous allez me dire, Philippe, bon, c'est son boulot. Et oui, c'est vrai, il ne peut pas faire autrement. Hein. Il est révérend, c'est un peu comme si on demandait à Jean-Pierre Pernaut d'aborder le fond des dossiers sociétaux. C'est pas son truc, Oui, quoi. Faut pas le forcer. Bon, cette volonté d'interdire les saints devient vraiment glauque quand on lit dans Libération de vendredi dernier, le 9 janvier donc, que le site de réseau Facebook a interdit les photos de femmes allaitant leur enfant parce qu'on voit leurs seins. Oui, ça fait flipper, hein, ce petit moralisme ambiant. Alors, cette interdiction a provoqué aux États-Unis et au Canada une levée de bouclier, ou plus exactement une descente de soutien-gorge, car ce sont 11 000 Facebookais qui ont remplacé la photo de leur page d'accueil par celle d'une femme allaitant. Alors, la réaction n'a pas tardé, les photos ont été supprimées, les comptes ont été bloqués par ces cubénis réactionnaires de Facebook,